Tot per la música, tot per la companyia amb els nostres oients. Aquí comença una vegada més una nova edició de la música en francès amb Rafael Corbí. Hola, la música. Avui, en French Gold. Feia temps que no l'escoltàvem, aquesta cançó que durant la primera temporada va obrir el nostre programa. Tot per la música. Després, avui música diferent, música amb diferents protagonistes que ens acompanyaran els primers minuts. Els compartirem amb Jean-Jacques Goldman, amb Edith Piaf, amb Priscilla o amb Belén Martín, totes elles, tots ells, per començar aquests 60 minuts de música en francès. Ils ont des idées plein la tête. C'est des idées pour faire la fête. Et leur langage qui ne veut rien dire les fait pleurer. Thank you.

fallait que ce soit une fille comme toi pour faire un roi. J'en reviens pas, j'ai jamais gagné de concours. Est-ce bien pour moi tout cet amour? Une fille comme toi qui ne se moque pas de mon discours, qui se laisse prendre à mes vieux tours. Une fille comme toi qui a du rêve au bout des ailes. Comme toi, qui est un soleil derrière elle quand elle s'en va, quand elle s'en va. Une fille comme toi, on ne la retient pas, on pleure tout. Salvatore Adamo, qui també acompanyava avui el programa de Hola La Música amb aquesta cançó que acabeu de sentir, una peça que ens aportava amb aquest Una noia com tu, que acabeu d'escoltar abans, François Audi, ara amb el darrer ball que ens aportava Kyo. Estem ja pràcticament arribant a la recta final del nostre programa. El camí, aquest xí, l'eixement, l'eixeming del 2003, avui em penso que m'entrebanco massa, del 2003 ens aportava aquest disc amb aquesta formació de pop-rock d'Yvelines a les afores de París. De la dècada dels 90 va ser prou conegut els germans Florian i Fabien Dubois i també Benoît Poer i Nicolas Gajan, que ens acompanyaven a la seva música. Kyo! J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré cent fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Et j'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Thank you. au-dessus de ses mains. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Et je l'ai vu partir sans rien dire. Il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté. L'esprit de révolte, détache de tout et de toi-même. Tu te lasses de tout et de moi-même. Toujours en retard quand arrive au travail le roi des peinards. Faut te voir la tiraille. Sans aucun scrupule, ta peine à te ramasser et qui te stimule à pas me délire. Détaché de tout et de toi-même, tu te lasses de tout et de moi-même, et de moi-même, et de moi. Qui nous sépare n'éprouve ni crainte ni désir. N'est touché par rien ni personnel, ni plus ni moins pour contredire. Misère à te concentrer comme un décrocheur, pas très motivé, ne sachant que faire. De paresse incurable, pas de commentaire. Reste confortable, détaché de tout et de toi-même. Tu te lasses de tout. Détaché de tout et de toi-même. faire. Lui offrir des bijoux, il n'y faut pas songer. Et c'est pas ça que les femmes préfèrent. Maintenant elles sont au sport, vous devinez alors. Avec très peu d'argent, ce que j'ai depuis quelques temps. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto. J'ai une auto, je l'ai payé 300 balles chez monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion, 5 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Ah oui, alors ça c'est de la bagnole. Et puis alors on est secoué là-dedans, on est caoté, hein Mimi. Chaque fois qu'il y a un trou sur la route, on le sent. On voit où ce qu'on passe. Tiens, là le moteur qui s'arrête. Attends, ça y est, ça y est, ça y est, c'est une panne. Je vois ce que j'ai. Oh, c'est rien. Heureusement, je connais ça. Ça y est, c'est le carburateur qui a glissé dans le radiateur. Alors fatalement, tu comprends, ça encrasse les bougies du pont arrière. Ça fait remonter la dynamo dans les soupapes et ça empêche l'essence de venir dans le klaxon. C'est, hein, qu'est-ce que tu dis, Pépé? Que je suis calé en mécanique? Oh, bah dis, je veux. Ma grand-mère avait une machine à coudre, alors une... Allez, Mimi, appuie sur le démarreur. Ça y est, Bob, double reparti. Ah, ça, c'est de la bagnole, alors, hein. Qu'est-ce qu'il dit, Toto? Qu'est-ce que tu dis, mon petit gars? Parle plus fort, on n'entend rien avec le bruit de la carrosserie. Hein? Il y a un fou qui veut nous doubler. Bon, eh ben, laisse-le faire. Allez, allez, passez, monsieur. Regarde, regarde-moi ce fou, dis donc, hé. Il fait au moins du 30 à l'heure. Ah, si, si, du 30. Regarde mon compteur, quoi. Moi, je fais du 22 et on file à plein gaz. D'ailleurs, si ça continue comme ça, hein, Mimi, on sera à Deauville dans un an. Ah, attention, mes enfants, v'là un virage. De la prudence. Le bras à la portière, tout le monde. Là, là, là. Mimi, tu me fous le doigt dans l'œil. Attention, là, là. Ah, quel virage, hein. Sur l'aile. Allons, bon, ça y est, c'est Toto qui est resté dans le virage avec la banquette arrière. Oh, enfin, ça fait rien, y a rien de cassé. Eh ben, ma pépé, nous v'là seul. Profitons-en, viens qu'on s'embrasse. J'ai, hein, qu'est-ce qu'il y a? T'as les pieds qui baignent dans l'huile? Comment? Oh, il y a une fuite à la boîte à vitesse. Ah, mais c'est rien, ma chérie, ça se fait dans toutes les bonnes voitures. T'as qu'à l'éponger avec ta houppette. Alors, Toto, bah, qu'est-ce que t'attends pour regagner le gros du bataillon? Rapplique avec ta banquette arrière, mon petit gars. Oui, c'est un incident. T'as qu'à l'attacher après le pare-brise, là, mais oui, là, avec un morceau de fil de fer. Ça y est? Bon, Mimi, appuie sur le démarreur. Hop, ça y est, nous voilà partis. Ah, ça c'est de la bagnole alors. Dans ma petite voiture, on ne fait pas du sang. Y'a qu'un défaut, les rousses des vis. Pour serrer les écrous, après chaque tournant, notez que ça fait de l'exercice. J'en perds une quelques fois, mais il en reste trois. Somme toute, y'a un tas de gens qui n'en ont pas autant. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. C'est le genre torpedo, c'est chouette quand il fait beau. Mais s'il tombe de la flotte, y'a pas de capote. Mimi ouvre son tome pouce grand comme un champignon. Moi l'eau me coule dans le cou et dans mon pantalon. Mais je me pousse du faux col, car ça c'est de la bagnole. Ce n'est pas du taco, j'ai une auto. Georgius, amb ça, c'est de la bagnole. Ens portava abans el jazz cantat en francès de Thierry Montcalm, de Touch de Tout, es deia aquella peça. Bé, acabem i m'acomiado. I ho faré amb una cançó d'en Leo Ferrer. Com sempre, ens encanta també escoltar-lo i aquest L'Homo Solo ens acompanyarà fins als darrers instants del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí, avui un programa variat de música en francès. No ens estem de res. Fins la propera. L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pan. In prigione sognava le lepri che fuggono sul tericcio invernale nella nebbia d'inverno. L'uomo vive tra muri di strade bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan, in un pezzo di pan. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il respiro si calmi, che ritorni l'inverno con l'odore del vino nella calda osteria e il buon fuoco, la stalla e le cene. Uno crede finché dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri. L'uomo solo osa entrare per bere un bicchiere, quando proprio si gela e contempla il suo vino, il colore fumoso, il sapore pesante, mordi il pezzo di panne che sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla, e anche il vino non sa che di nebbia. Non sa che di nebbia. L'uomo solo ripensi a quei campi, contento di saperli già arati, nella sala deserta sottovoce si prova a cantare, rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde. Da un fischio alla cagna e compare la lepre e non hanno più freddo.